Chanson de moisson. Sous l'aube, qui blanchit leur front, les tâcherons, aux bras hâlés, songent, tout en fauchant les blés de leur patron. Les coquelicots bougent parmi la récolte, comme des drapeaux rouges, au vent de révolte. Au souvenir des gueux défunts, songent enfin qu'on a tous droit au pain, qu'on fait du blé qui croît quand on a faim. Les coquelicots bougent parmi la récolte, comme des drapeaux rouges au vent de révolte. Réclament leur part du blé d'or, que leurs efforts avaient poussé et qu'ils ont souvent engraissé avec leur mort. Les coquelicots bougent parmi la récolte, comme des drapeaux rouges au vent de révolte. Et s'ils refusent, leur patron, les tâcherons aux bras hâlés, plutôt que de faucher les blés, les brûleront. Les coquelicots bougent parmi la récolte, comme des drapeaux rouges au vent de révolte.